un voyou. Il finira à Cayenne. Salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Nous sommes le lundi 7 janvier 2019. Alors là, je vais vous parler un petit peu des conditions de travail dans les petits commerces, les petites entreprises, les TPE, PME, tout ça. Alors ça fait un petit peu écho à plein de trucs qui se disent après chaque manif où il y a des vitrines de PT sur les grands boulevards, notamment parisiens mais aussi nantais, que ça soit au sein des Gilets jaunes ou évidemment le gouvernement, etc., ne manque pas de pleurer sur le sort des petits commerçants qui quand même créent de l'emploi et tout ça. Mais bon, je trouve ça un peu problématique pour ma part. C'est un petit peu évacuer toute une dimension de classe qui se joue dans ces petites entreprises. On a un petit peu tendance à oublier que les TPE, PME, donc très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, donc on parle de TPE jusqu'à 9 salariés et de PME entre 10 et 50, ce qui commence déjà à faire une bonne boîte en vrai. Hein. Donc c'est un petit peu oublié tous les aspects du fait que le patron souvent c'est quelqu'un qu'on voit tout le temps qui effectivement a fait un choix qui est le sien de fonder une entreprise. Alors ça qu'il en chie ou pas, en vrai c'est un petit peu son affaire quoi. Si cette personne-là accepte le monde capitaliste, les lois du marché au point de créer sa boîte, c'est son choix. Et je trouve ça un petit peu tendu d'impliquer ses salariés dans tout ça, sachant que les TPE, enfin les PME et a fortiori les TPE sont les endroits où il y a quand même le moins de syndicalisation. Donc particulièrement après le vote des deux lois travail, il y a quand même une prédominance des accords d'entreprise. Alors quand il n'y a pas de syndicat, quand il y a juste... alors je crois que dans les TPE, là où il y a la moyenne, ça doit être à 3 salariés. Enfin là où il y en a le plus quoi. Enfin les TPE les plus nombreuses comptent 3 salariés. Et donc c'est du coup on se demande quel dialogue social entre guillemets peut y avoir dans ces entreprises, sachant que en fait t'es juste seul face à ton employeur quoi. Et ça explique beaucoup de choses, donc de réalité vraiment économique des salariés de ces entreprises là, qui notamment alors il y a un article de l'Express qui date de 2014 pour le coup, ça date un petit peu mais il y a moyen que ça soit plutôt encore d'actualité, qui nous informe que entre les grandes entreprises et les TPE il y a un accord de salaire moyen de 600 euros quand même. Donc ces gens là créent de l'emploi, sont parfois bien dans la merde de leur propre choix. Mais c'est pour leurs salariés, c'est pas le paradis. Hein. Donc évidemment, c'est dû au type d'emploi qui sont pourvus dans ces boîtes-là. Mais on peut s'interroger là-dessus. Sur les questions de temps de travail, alors il faut que je retrouve ça. Alors je peux vous dire déjà concernant les heures sup, ce qui est quand même assez criant. Alors là je vous parle même pas des TPE, je vous parle des PME, mais dans l'hébergement et la restauration, qui est quand même ce à quoi on pense quand on parle des pauvres petits commerçants qui se font péter leur vitrine. Entre le premier trimestre 2002 et le troisième trimestre 2008, le taux de comment on dit d'heures supplémentaires est passé de 2% à 24%. Donc c'est quand même assez énorme. Donc après, avec les modalités de paiement spécifiques imposées aux PME suite à la loi travail, no, enfin notamment sur le calcul de la durée de travail hebdomadaire, qui donc est lissée sur plusieurs semaines. Et là, c'est lissé sur depuis la loi travail sur alors faudra que je retrouve le chiffre précis. Alors ouais, c'est sur des moyennes sur plusieurs semaines quoi. Et là, ça a été élargi pour permettre de faire travailler les gens vachement plus sur une semaine en décalant les périodes de récupération toujours plus loin dans le temps. Donc voilà, donc je vais essayer de faire un petit peu le. Oui, alors il y a aussi comment dire, un appel qui est fait au contrat en CDD qui est évidemment supérieur dans les petites entreprises, dans les TPE. Donc dans les TPE, il y a 13% de salariés en CDD. Alors j'ai pas retrouvé dans les autres. Bon après, vous pouvez retrouver pas mal de chiffres sur ce sujet-là sur le site de la DARES. Donc la direction des affaires, je ne sais plus quoi. Enfin c'est un site, c'est le ministère du Travail, donc un site institutionnel comme pas mal de sites, ils ont des publications, des statistiques qu'il est toujours intéressant d'aller voir. Donc voilà. On apprend que quand même dans les TPE, il y a 80 en 2016, 80% des TPE employant de 2 à 9 salariés ont déclaré avoir pris des dispositions sur au moins un des 4 thèmes suivants: salaire, emploi, conditions de travail et temps de travail. Donc avec les conditions que j'ai un peu évoquées tout à l'heure, donc pas d'organisation collective a priori, pas de syndicat et un rapport pas toujours très sain avec l'employeur qui est le pauvre patron qui quand même se saigne pour pouvoir créer de l'emploi et du coup on a juste à fermer bien sa gueule. Tac. Donc un petit peu bah, sur les points que j'avais envie d'évoquer, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Et bah c'était un petit peu pour dire que je trouvais un peu problématique ce truc de dépolitisation. Enfin, on reparle des gilets jaunes du coup, de ce truc de se dire apolitique, du coup de d'évacuer toute question liée aux classes sociales. Et bah oui, ça permet que ce mouvement puisse être aussi le porte-voix de petits patrons qui exploitent parfois très très durement. Enfin, on peut parler de harcèlement, enfin, ça peut être grave un enfer de travailler dans les petites entreprises, quoi. Il y a un isolement qui est assez horrible. Et donc, bah, se retrouver dans un mouvement, enfin, c'est un mouvement social, hein, où on côtoie, bah, certes, alors, il faut bien faire la différence entre les travailleurs indépendants, travailleurs, travailleuses, indépendants, indépendantes, qui n'ont pas de salariés, effectivement. C'est en plus un statut je veux dire Macron, mais tous les milieux économiques de la Startup Nation développent à mort en ce moment. Donc de l'auto-entrepreneuriat pour juste ne plus faire appel au salariat qui a acquis des droits. Donc même si on en perd beaucoup depuis plusieurs décennies. Mais donc voilà, l'auto-entrepreneuriat, effectivement, c'est un nouveau prolétariat. Alors que les petits patrons, même avec un seul employé, un seul salarié, Bah, ça reste une exploitation de classe, quoi. Même si c'est à petite échelle, mais c'est quand même dans des conditions particulièrement difficiles. Donc voilà. Et du coup, ouais, j'avais un peu envie de réagir face à ça. Enfin, ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment, vraiment d'accord avec tout ce que tu viens d'exposer, Hobbs. Et je pense qu'il y a une dimension supplémentaire, en fait, quand on travaille dans une petite entreprise et que on a un patron, en fait, qu'on voit tous les jours, qu'on côtoie tous les jours. C'est jouer, en fait, effectivement, avec cette fausse dimension humaine d'une entreprise familiale, à taille humaine, patati patata. Et que on peut vachement plus jouer en fait sur la corde émotionnelle vis-à-vis des employés, leur demander de faire des efforts, leur dire tu sais en tant que patron moi aussi je travaille dur pour que tu puisses te dégager un salaire, moi je m'en dégage pas, tatati tatata. Et que justement en fait ça permet une aliénation supplémentaire du fait que t'as l'impression que c'est un mec en face de toi comment dire qui en chie autant alors qu'il a quand même un paquet de privilèges, alors que quand t'es dans une grande entreprise, il y a une espèce de, comment dire, de déshumanisation qui est telle, en fait, d'écart qui est tel entre ta hiérarchie et toi, que tu peux plus facilement, en fait, t'allier contre, et qu'il y a moins la possibilité, en fait, de faire cette espèce de chantage affectif, de « Ah, mais tu sais, ici, on travaille comme ça, on travaille avec le cœur », on fait ça en petit comité, et puis c'est plutôt familial, et toutes ces espèces d'arguments à la con, en fait. Oui, bah ça c'est un petit peu le problème du paternalisme Ouais, tout à fait. qui est vachement vachement développé dans ces petites boîtes. Et justement, en parlant de paternalisme, on peut aussi parler des conditions de travail bah, je vais dire des conjointes dans ces boîtes-là, qui Ouais. sont du coup c'est alors quand on parle de travail domestique, on inclut cette partie-là où bah c'est la conjointe qui fait l'accueil des clients-clientes, la compta par exemple, mais sans contrat de travail. Et donc oui, c'est aussi un lieu d'exploitation et sur plusieurs types d'oppression qui peut être parfois assez hardcore, quoi. Ouais, complètement, tout en ayant en fait cette place des fois, parce que ouais, la plupart du temps les chefs d'entreprise sont des mecs cisgenres. Et comment dire, moi j'ai vu assez souvent dans des jobs, des endroits, des boîtes, où la femme du patron venait filer un coup de main, qui sur la compta, qui sur la caisse, qui sur ceci ou cela. Et en fait, même en n'étant pas salarié de la boîte, bah, l'épouse du patron en tant que telle avait une position assez ambiguë vis-à-vis des salariés. Où, au final, c'était aussi une substitut du patron en fait, qui même si officiellement n'était pas inscrit dans la hiérarchie de l'entreprise, ben lui désobéir ou lui dire quoi que ce soit, on était sûr que ça allait être rapporté à notre boss en fait. Donc ça nous mettait dans une position vraiment ambiguë vis-à-vis d'elle. Donc ça fait une espèce de double oppression en fait pas cool, où on sait que de toute façon elle va rendre des comptes à son mari. Qu'elle vient pour donner des coups de main à titre quasi gratuit, et que en même temps ça renforce ce truc d'entreprise familiale, tatati tatata, bonne ambiance, alors qu'en fait non quoi. Et les femmes de patron participent aussi quelque part, malgré elles, à ce processus de domination, je trouve. Bah c'est vrai qu'on présente souvent les petites entreprises comme ah bah oui justement ce côté familial c'est vraiment trop chouette. Ouais, taille Mais humaine, blabla. c'est le lieu de tous les chantages notamment affectifs Mais justement, moi, enfin, à chaque fois que moi je vois des annonces pour du taf ou je vois entreprise à taille humaine, j'entends il y a 10 000 de boulot pour 10 personnes en fait, et juste tu vas en chier, et juste tu vas pas compter tes heures, et tu vas bosser avec 10 personnes, mais vous allez faire le travail de 15. Ben oui, bah Voilà. c'est vrai que ce truc de l'isolement des unités on va dire, de production, c'est un petit peu le contraire de ce qui pourrait être souhaitable, c'est-à-dire la collectivisation des moyens de production où il y a des liens entre toutes les unités de production, quoi. Où il y a une solidarité entre les groupes de producteurs, productrices. Enfin bon, là j'extrapole un petit peu sur des trucs. Mais aussi, je pense qu'il y a un truc en fait vis-à-vis du petit patronat, c'est que même si c'est des petits qui galèrent en fait, parce que même légitimement ils peuvent galérer en fait dans leur situation économiquement parlant, Bah, en termes de positionnement, de position sociale, bah, ça reste des patrons qui exercent un pouvoir de domination sur d'autres gens. Et en fait, le problème, c'est pas qu'ils soient sincères ou honnêtes ou qu'ils galèrent ou pas, bah, c'est juste que c'est des patrons et que c'est la position de patronat en soi qui paraît problématique à énormément d'entre nous, là, camarades. Et que peu importe en fait que tu sois un patron moins riche que celui du grande entreprise. Par ta position de patron, en fait, tu as des gens qui sont subordonnés à toi et que tu domines, en fait, par ton positionnement, que tu as envie d'être gentil ou quoi, ou pas. Et au final, que tu sois le type le plus sympa de la Terre ou quoi, bah, être patron, tes intérêts sont forcément complètement différents de ceux de tes employés et tu vas forcément finir par te comporter par un connard que tu as envie d'être gentil ou pas. Voilà, vive la Startup Nation! C'est ça. Vive le petit commerce. Bon, c'est un peu. On a fini là-dessus ou. Bah, sauf si d'autres personnes veulent réagir. Bon, peut-être passer à la suite. Ouais. Passer à la suite. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Alors on y est, cette journée n'est pas des plus glorieuses. On dirait que certains ont oublié que je pouvais être ténueuse. Que lorsque j'ai faim et qu'on me laisse pourrir à mes heures creuses, je ratisse le terrain, j'enclenche le mode ultra chieuse. La pègre et leurs institutions ont une dette envers moi. De mon temps j'en ai donné pour faire vivre leur ville en moi. Y'a de bons nègres qui charbonnent, mais qui à force perdent la foi. Semblerait que d'en parler ne servent qu'à se casser la voix. Qui sont-ils pour me museler tout en servant de mon image? Celle de la beurette révoltée qui fait tache dans le paysage, qui louvre trop, qui dérange, mais si sympa au final, dont la colère touchante ne leur ferait aucun mal. Que ces sales rats se détrompent et demain gare au coup de schlasse. Sourire cabile génétique, ronde de nuit pour deux trois traces. Depuis que je me suis ouvert les veines sur les coins de leur bureau, leur fiche de paix, je me torche avec leur contre-aval zéro. Nique sa race, ils croiront sous nos pas. Même si à première vue, on n'a pas la gueule de l'emploi, il s'en faut de très peu pour que leur système ploie. Une étincelle pour que tout ce merdier se rallume comme un feu de bois. La fatigue n'aura pas raison de moi. Et les soirs où je serai de sortie, je vous conseille l'anonymat. Intraitable, affamé de surcroît, les prédateurs avancent dans le noir, prêts à fondre sur leur proie. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Je veux leur sang, leur argent, de la weed et du bon temps. Un point de vue rapproché pour observer leur chute. Contre un flot d'ordures, je me réserve une mine de diamants. Un couteau acéré pour faire tomber les langues de pute. En manque d'oxygène, dans le sous-sol je me traîne. Je sais plus où regarder, car de toutes parts on me malmène. Prisonnière d'un saut posthume, j'ai cassé ma plume. À cogiter sur leur paperasse ou de sombre histoire de tulle. Je n'attends rien, pas de compassion, aucun geste de leur part. Sinon des claques ou des amendes au registre de leur étendard. À part des clous à becquer, me reste la rime en exutoire. Pour l'heure ça permet pas de vivre, enfin bon, c'est ce qui reste à voir. Nique sa race, ils croiront sous nos pas. Même si à première vue, on n'a pas la gueule de l'emploi. Il s'en faut de très peu pour que leur système ploie. Une étincelle pour que tout ce merdier se rallume comme un feu de bois. La fatigue n'aura pas raison de moi. Et les soirs où je serai de sortie, je vous conseille l'anonymat. Intraitable, affamé de surcroît, les prédateurs avancent dans le noir, prêts à fondre sur leur proie. Calculatrice parce que pas le choix de remplir le frigo ma foi. Contre un découvert béant qui se creuse un peu plus chaque mois. Que veux-tu, c'est le quotidien des crevards. Les poursuites et l'ORP ne sont pas un jeu de hasard. Justifié, chaque minute, chaque seconde, ce qu'on a branlé de la journée dans la cible de leur fronde. Accusé à tort, bien trop souvent, les frais de justice s'accumulent et finissent sans zone d'endettement. Nous on paye. On ne connaît plus, on ne salue plus. On écrit. Nique sa race, ils croiront sous nos pas. Même si à première vue, on n'a pas la gueule de l'emploi. Il s'en faut de très peu pour que leur système ploie. Une étincelle pour que tout ce merdier se rallume comme un feu de bois. La fatigue n'aura pas raison de moi. Et les soirs où je serai de sortie, je vous conseille l'anonymat. Intraitable, affamé de surcroît, les prédateurs avancent dans le noir, prêts à fondre sur leur proie. Nique sa race, ils crouleront sous nos pas. Même si à première vue, on n'a pas la gueule de l'emploi. Il s'en faut de très peu pour que leur système ploie. Une étincelle pour que tout ce merdier se rallume comme un feu de bois.